Une férocité impossible à atteindre, de Judith Louis. La part de l'ange. Cinquième et dernière émission. Que faire de cette inutile poursuite des jours? Se demandait-elle, son troisième verre de Juliennas à peine entamé. Elle ne pouvait plus terminer la journée sans boire un verre. Rouge, toujours rouge. Le vin blanc lui donnait mal à la tête et la saoulait avec une célérité peu raisonnable. Avec le vin rouge, dans ses grands verres à Bourgogne, qu'elle avait repéré dans les films et surtout les séries américaines, l'héroïne rentrait le soir chez elle, se versait un verre du bon vin qui l'attendait, balançait ses chaussures à talons et faisait une pause avant la suite. Une suite généralement beaucoup plus romanesque que la sienne. Ce qui l'attendait, elle, immuablement, c'était se démaquiller et se coucher. Mais cela faisait longtemps qu'elle avait compris que se coucher légèrement pompette, avoir dégusté un bon Bourgogne ou un Croz Hermitage, rendait la plongée dans la nuit sans joie beaucoup plus aguichante. Tout était mis à distance grâce au vin. Tout était facile à vivre soudain. Tout semblait passager alors que tout durait depuis trop d'années. Mais ce soir, elle dépassait la dose prescrite par son discernement. Trois verres à jeun, tellement la nourriture ne l'avait jamais intéressée. Même pas anorexique, juste qu'elle pouvait oublier qu'il fallait manger pour vivre. La tête lui tourne, très, très agréablement. Très. Évidemment, cela va être difficile de se lever du canapé pour enlever le maquillage du jour. Que s'est-il passé aujourd'hui? Elle ne sait plus très bien. Rien de bien grave. Rien qui justifie de siroter toute la bouteille de Juliennas. Rien qui oblige à boire seul alors que le bar branché d'à côté lui offrirait un écrin plus convivial. Peut-être même la rencontre d'une nuit. Elle aime vraiment beaucoup cette torpeur qui l'éloigne tranquillement. C'est gai. C'est apaisant. Peut-être va-t-elle dormir sur le canapé cette nuit. Pas du tout envie de bouger. Elle est bien. Drôlement bien même. La dernière gorgée du verre lui donne un peu envie de vomir, mais pas vraiment. Les yeux se ferment un peu, mais pas vraiment. Elle reste lucide. Elle comprend très bien les enjeux du débat télévisé autour de la gratuité des musées. Elle s'en fout, mais ce n'est pas grave. Elle regarde. Demain, elle repartira au travail. Demain soir, elle verra des amis et puis rentrera se servir un petit verre avant de se coucher. Il faudra juste prévoir une nouvelle bouteille. Elle n'a pas à se plaindre. Elle ne comprend pas ses accès soudains de déprime. Elle a la belle vie. Elle ne comprend plus rien à ce qui se raconte sur l'écran. Ça tombe bien, elle s'en fout. D'ailleurs, elle se fout de tout. Tout devrait être beaucoup plus facile que ce qu'elle croit. Il suffit d'acquérir le savoir de la mise à distance, comme elle y parvient enfin ce soir. Les types du bar d'en bas hurlent à chaque menace de but. Elle dort. Que faire d'un métier qu'on utilise comme un mauvais alibi ? Se répète-t-il inlassablement tous les soirs alors qu'il ouvre les portes de son bar. Il n'a jamais aimé être en bande. Depuis tout petit, le groupe ne l'intéresse pas. Il préfère les relations personnelles, les créations d'un avec un. Dans la bande, on se dissout. Chacun veut ressembler à celui qu'il croit être le plus fort. Ça n'intéresse pas. en groupe, personne ne peut savoir qui est vraiment le plus valeureux, le plus intéressant, le plus curieux. Seulement à prendre du temps à regarder l'autre, un autre avec toutes ses particularités, là on peut savoir. Mais l'une des difficultés à naître homme est que l'alternative à la bande reste la solitude. Au début, vers l'enfance, l'école n'a pas la vertu de porter à la distinction. Alors que rien ne s'expérimente et ne se vit jamais qu'un par un, il croit en la solidarité, il la veut pour chaque journée, chaque endroit qu'il traverse. Il craint la multitude de personnalités qui se renient pour assouvir une artificielle part de fraternité. Toutes ces grappes d'hommes agglutinés qui vont à leur perte quand ils sont ensemble, quand ils boivent ensemble. Il leur sert l'alcool qu'ils réclament. Il leur prépare les verres qui les enchaînent. Il les observe déraper au-delà du supportable. Il prévient pour qu'on les jette dehors. Lui ne boit jamais. Sobre jusqu'au bout de la nuit et au fil des jours. Il lui faut accepter quiconque franchit le seuil de la porte, sa table ou sa coude au bar. Et ce, d'autant plus que le temps passant, il supporte de moins en moins les effets du trop d'alcool sur le genre humain abandonné. Pour sa détente, il préfère les ambiances protégées, où l'autre prend confiance et se détend. Son cœur nécessiteux déposant le fardeau, l'âme tranquillisée avouant qui est vraiment derrière l'armure. Ce n'est pas dans son pub du centre-ville qu'on peut percevoir ce miracle. Car c'est un miracle d'obtenir d'un homme qu'il laisse entrevoir ce qu'il s'évertue à dissimuler, jusqu'à se confondre avec n'importe quel autre. Alors, chaque soir, il porte son attention sur un client en particulier. Il l'extrait de la troupe à laquelle il appartient, du couple qu'il forme, de la solitude offerte à toute opportunité de rencontre. Il rêve autour. Cette occupation nocturne l'aide à tenir, soir après soir, verre après verre. Il est cordial, accueillant, bon commerçant, mais le secret de sa longévité à ce poste, c'est cette farouche capacité qu'a une individualité de s'affranchir, presque malgré elle, de ce qui la réduit. Et chaque nouvelle fournée de clients offre toujours sa tranquille révolte, celle qui s'ignore encore. C'était « Une férocité impossible à atteindre » de Judith Louis. La part de l'ange. Cinquième et dernière émission. Avec Marina Moncade et Yann Colette. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistance technique et montage, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy.